somo reka tange. Yeva yaki kosali sahabato. Cheche kasongo yende racine ya chance. Valeur ya moto eye bana tata wazali présent. Absence na ye baluka ka cheche na maina miso. Mokili toyaka sala mpozwa. Cheche kasongo racine ya chance. Adrien Kilimi, DVC Communication, en direct de Los Angeles. Malasi basala, ponanini, basala yango po ozala solo kitoko. Chouchou mama nalina, oyebana, yozali molongani, ya checheo. Cheche kasongo, boninga ya grec kalala, Shakima nibine ya ya. C'est facile de passer son temps, la vie, mais difficile de remettre le temps passé. Kitoko yanguma, bamona kayango. Changé poso na yo Fulangenge na Dublin et pato sa Canada Sixe na Irlande et pa ya vrai katange Dosu na Linda Love so much Zizi Mabuki Mondinga ya Lisa Noir Manuaku waku.